إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères, on va traiter dans la conférence de ce soir, inshallah ta'ala, d'un sujet qui concerne l'ensemble d'entre nous et qui est le choix ou comment faire le choix de nos fréquentations. En effet, les fréquentations ont un effet sur la personne ainsi que sur sa religion et son comportement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de cela et nous a expliqué dans un hadith que l'on va lire et expliquer bi'idhnillahi ta'ala les effets du bon compagnon ainsi que les effets du mauvais compagnon. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala ont rapporté d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama mathalul jalis salih wa jalis su ka hamil al misk wa nafikh al kir. L'exemple du bon et du mauvais compagnon est tel celui du porteur de musc et du forgeron. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam: fa hamil al misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu. Le porteur de musc, soit il t'en offrira, soit tu en achèteras de lui, soit tu trouveras auprès de lui une bonne odeur. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu trouveras auprès de lui une odeur nauséabonde. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc exposé l'influence du bon et du mauvais compagnon. Quelle est l'influence que le bon compagnon a sur la personne et quelle est l'influence que le mauvais compagnon a sur la personne? Et chacun d'entre eux influence la personne qu'elle fréquente. Il nous a montré également, à travers cela, le danger des mauvaises fréquentation. Car ces mauvaises fréquentations influent sur la nature de la personne, sur son comportement, voire même sur sa croyance. Wallahu al-musta'an. De par sa nature, l'homme, il est influencé par les gens qui sont autour de lui. Et ceci est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Tu le verras changer de comportement et d'attitude en fonction des personnes qui l'accompagnent ou en fonction des personnes qu'il y a autour de lui. Et il se peut même que l'homme soit contaminé par les mauvais comportements des personnes qu'il fréquente de la même manière qu'il peut être contaminé de la maladie qui a touché une personne. C'est-à-dire que de la même manière que certaines maladies sont contagieuses et peuvent se transmettre d'une personne à une autre, également les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, les mauvaises actions, elles sont contagieuses. Donc si tu fréquentes une personne qui a un mauvais comportement, une mauvaise attitude, qui commet des mauvaises actions, sache que tu exposes ta personne à un danger qui est que tu sois atteint également par ses défauts. Wallah al-musta'an. Et l'enfant d'Adam, alayhi salam, comme vous le savez, est influencé par la nature des gens qu'il y a autour de lui très rapidement. Cela ne demande pas beaucoup de temps. Tu trouveras certaines personnes, du simple fait qu'ils fréquentent quelques jours, une autre personne, prendre ses attitudes, prendre ses expressions, prendre sa manière de se comporter, et ainsi de suite. Et on voit à travers cela l'importance de choisir les gens qui nous entourent. Car si tu es entouré de bonnes personnes, ceci te sera profitable, le fait que tu sois influencé par celles-ci. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, de gens en mauvais comportement, en mauvaises attitudes, alors ceci va également t'influencer et leur compagnie, elle te sera nuisible ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Donc le compagnon pieux, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a comparé au porteur de musc. Et le porteur de musc, ce n'est pas comme on trouve des fois dans la traduction du hadith, le vendeur de musc. C'est celui qui emporte, qui en transporte avec lui. Il ne le vend pas forcément. Il le transporte, c'est plus général. Et le musc, c'est une sorte donc de parfum, parmi les meilleurs parfums qui existent. Donc celui qui transporte le musc, soit il va t'en offrir. Celui qui a du parfum, il est possible qu'il t'en offre et que tu repartes de chez lui avec du parfum avec lequel tu pourras te parfumer et sentir cette bonne odeur. Soit tu vas lui en acheter. Il se peut que tu lui demandes s'il en vend et que tu repartes de chez lui avec ce parfum qui te permettra d'avoir une bonne odeur. Ou alors, au minimum, le simple fait de le voir, tu sentiras sa bonne odeur. Et cette odeur, il se peut que tu repartes avec celle-ci. Il se peut qu'il te parfume un peu pour te faire sentir le parfum. Ou autre chose que cela. Mais le simple fait de le croiser, tu sentiras cette bonne odeur. Pourquoi ? Car la bonne odeur qu'il a avec les parfums qu'il a, elle se transporte, elle se répand autour de lui, avec l'air, et ainsi de suite. Donc ceci est le minimum que tu vas trouver auprès de lui, c'est que tu sentes cette bonne odeur et ce, sans rien en contrepartie, sans que tu ne lui le donnes rien. Juste le simple fait de le croiser, tu sentiras cette odeur. Alors que le forgeron, donc celui qui fabrique des objets en fer, il a des grands chalumeaux, il a un four, il tape sur le fer est brûlant et il part autour de lui, le simple fait de le croiser, il se peut qu'il te brûle tes vêtements, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et au minimum, tu repartiras de chez lui avec une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur, une odeur désagréable. Lorsque tu te rends dans des endroits où certains travaux sont accomplis et qu'il y a la mauvaise odeur des travaux, etc., lorsque tu en ressors, tu sens cette odeur sur toi. Et ceci est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné du bon ou du mauvais compagnon. Et méditer sur le fait qu'il les ait comparés à un porteur de musc et un forgeron. Cela nous indique qu'il est possible pour la personne de profiter d'un bon compagnon, ne serait-ce que d'une seule bonne parole. Cela n'implique pas forcément de le fréquenter quotidiennement du matin au soir. Une seule parole qu'il va te dire, ce bon compagnon, peut-être que tu vas en profiter, elle te sera profitable tout au long de ta vie par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, le mauvais compagnon, il se peut qu'il te dise une parole et que cette parole, elle fasse naître dans ton cœur des doutes ou des ambiguïtés qui te nuiront jusqu'à la fin de ta vie. Donc l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné, il n'implique pas nécessairement le fait que tu fréquentes ces personnes du matin au soir, mais le simple fait de t'en approcher est nuisible. Le simple fait de t'approcher des mauvaises compagnies, ne serait-ce que quelques minutes, cela te nuit et tu risques de brûler tes vêtements ou de repartir avec leur mauvaise odeur ou al-iyadu billah. Il nous reste à savoir maintenant qui est le bon et qui est le mauvais compagnon. Le mauvais compagnon, c'est celui qui te repousse ou t'éloigne de l'accomplissement du bien. Il sait que tu veux faire le bien, il te décourage, il te démotive à l'accomplissement du bien. Ou alors, il te pousse et il t'incite à commettre le mal. Si une personne est telle que l'on vient de le dire, qu'elle t'empêche de faire le bien ou te pousse à faire le mal, que ce soit dans les affaires religieuses ou dans les affaires mondaines, alors éloigne-toi de cette personne. Et les mauvaises compagnies, elles sont de différents degrés. Certains vont te retarder ou te repousser ou t'empêcher de faire des petites œuvres de bien. Certains vont te pousser à faire des petits péchés. Et d'autres vont te pousser à faire de plus graves choses ou t'empêcher de faire des plus grands biens. Certaines personnes, ils n'arrivent pas à faire le bien. Le diable a une telle emprise sur eux qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à aller à la mosquée. Ils prient chez lui, l'endroit où ils se trouvent. Mais il n'a pas envie d'aller à la mosquée. Il se peut qu'une personne ait l'habitude de se rendre à la mosquée à chacune de ses prières, ou autant qu'il peut. Il va se mettre à fréquenter cette personne, va venir le temps de la prière, et il va lui dire « Tu viens, on va à la mosquée ?»« Non, moi je prie ici. »« Viens, reste avec moi, prie avec moi. »« Prie avec moi, on prie ensemble. »« Nous prions en jama'a. »« On est en groupe. »« Pas besoin de te rendre à la mosquée. » Celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a empêché de faire le bien. Et il l'a tiré vers lui, vers quoi ? Vers le mal, vers le délaissement de la prière en commun. Et fait avec cela, pour le reste, des bonnes ou des mauvaises actions. Et il y a certaines personnes, il ne va pas forcément t'ordonner le mal directement ou te pousser au mal. Mais lui-même, il est faible, il est paresseux. Il n'arrive pas à faire le bien. Et sa paresse, elle va te contaminer. Et tu vas devenir paresseux comme lui. Il va te faire baisser tes ambitions. Peut-être que toi, tu as des grands projets. Et lui, il va te dire, mais non, ça ne sert à rien. C'est pas possible, on ne pourra jamais atteindre cet objectif. Il va te décourager. Il va te décourager d'accomplir le bien. Donc celui-ci, celui qui te détourne du bien ou qui te rapproche du mal, éloigne-toi de lui et ne le prends pas pour compagnon. Et sache qu'au jour de la résurrection, tu vas te rappeler des personnes que tu as fréquentées ici-bas. Et tu vas regretter si tu n'as pas délaissé les mauvais compagnons. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans son noble livre que les mauvais compagnons, l'amitié qu'ils avaient entre eux, au jour de la résurrection, elle va se transformer en quoi ? En animosité. Ils vont se détester les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans son noble livre, « Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin » Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Ceux qui étaient amis dans ce bas monde, mais dont leur amitié n'était pas basée sur la piété, n'était pas basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour de la résurrection, cette amitié, elle va se transformer en quoi ? En animosité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit quoi ? Illa al-muttaqin. Ils seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. C'est-à-dire ceux qui se sont écartés du shirk, du polythéisme, ceux qui se sont écartés des péchés et de la désobéissance, ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont réunis dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, leur amour et leur amitié, il va perdurer même dans l'au-delà par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceux qui s'aimaient et se fréquentaient pour des choses de ce bas monde et qui s'entraidaient dans le mal et les péchés, ceux-là, au jour de la résurrection, ils seront ennemis des uns des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a également informé dans son noble livre et il a dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا Et le jour où l'injuste se mordra les mains et dira « Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Pour ami, c'est lui qui l'a égaré du droit chemin. ثم قال الله سبحانه وتعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il m'a certes égaré du rappel, c'est-à-dire du Coran, du livre d'Allah, de l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى, du suivi de la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Il m'a en effet égaré du rappel après qu'il me soit venu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et ceci est l'exemple du mauvais compagnon. Il est tel le diable. Il te tente, il te pousse au péché. Et Yom al-Qiyamah, il va t'abandonner. Ce sera ton ennemi. Il ne pensera qu'à lui-même. Il ne va pas dire, c'est moi qui l'ai poussé à faire ce péché. Pardonne-le, oh Allah. Non. Il va dire, il était responsable de ses actes. Je lui ai ordonné le mal et il l'a fait de ses propres mains, de son libre choix. Il va se désavouer de toi. Et il deviendra ton ennemi au jour de la résurrection. Wala'iyadhu billah. Donc ce verset que l'on vient de citer, les savants ont mentionné qu'il est descendu sur un homme qui s'appelait Uqba et qui a été touché par le Coran et qui souhaitait entrer en islam. Cependant, il avait un ami mécréant qui l'a incité à ne pas entrer en islam et qui lui a obstrué le chemin de l'islam. Et les deux hommes sont morts mécréants. C'est pour cela qu'au jour de la résurrection, il va regretter. Pourquoi l'ai-je pris pour ami ? Pourquoi ai-je pris cet homme pour ami qui m'a poussé à rester dans la mécréance alors que lui voulait entrer en islam ? Et vous connaissez certainement l'histoire de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à lui. Il lui a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Avec cette parole, elle sera pour moi un argument en ta faveur auprès d'Allah. Dis la ilaha illallah. Et il y avait auprès de lui deux hommes, parmi les hommes de Quraysh, qui lui disaient, délaisseras-tu la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire le père de Abu Talib. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répéter, oh mon oncle, Dis la ilaha illallah. Cette parole me servira d'argument pour toi auprès d'Allah. Et les deux hommes de répéter, délaisseras-tu la religion de Abd al-Muttalib? Et alors, la dernière parole qu'il prononça et qu'il restait sur la religion de Abd al-Muttalib. Wal'iyadu billah. Malgré l'amour qu'il avait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa certitude que le message avec lequel est venu son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le message de la vérité provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il n'est pas rentré en islam. Il a refusé de dire la ilaha illallah à cause de quoi? À cause de ses mauvais compagnons. Donc vous voyez l'influence des mauvaises compagnies? Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu fréquentes des personnes qui sont peut-être peu fréquentables et desquelles tu devrais t'écarter, mais avec qui tu as des liens peut-être depuis de nombreuses années. Mais tu as conscience de leurs défauts et des péchés qu'ils font et tu fais tout pour t'en écarter, malgré qu'ils aient tout de même de l'influence sur toi. Mais pense à ce moment-là. Pense au moment où peut-être tu seras en train d'agoniser. Qui sera auprès de toi? Ce sont tes amis qui vont venir te rendre visite. Les gens que tu fréquentes. Est-ce que c'est des gens qui vont te donner le bon conseil à ce moment-là? Ou est-ce que c'est des gens qui vont te laisser dans l'insouciance même au moment de ta mort, le moment le plus important? Est-ce que ce sont des gens pieux qui vont te pousser à faire en sorte que ta dernière parole soit la ilaha illallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont les derniers mots sont la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Il entrera au paradis. Est-ce que ceux-là vont se rappeler et penser à te faire dire cette parole? Pense à cela, alors que tu es en bonne santé, que tu as le choix de faire le tri dans tes fréquentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, « La tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amak illa taqi. » Ne fréquente qu'un croyant et que ne mange ta nourriture qu'une personne pieuse. Ce hadith est rapporté par les imams Abu Dawud et Al-Hakim et il est authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le fait de partager son repas avec des gens qui ne sont pas vertueux. Pourquoi a-t-il donné l'exemple du repas? Car en général, la personne, il se peut qu'elle ait des fréquentations dehors, dans la rue, etc. Mais son repas, elle va le partager avec qui? Avec les gens qui lui sont proches. Avec des gens qu'elle fréquente souvent. Avec des gens avec qui elle a une relation de proximité. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre cela. Ne partage ton repas qu'avec une personne vertueuse, qu'avec une personne pieuse. C'est-à-dire, ne fréquente et ne sois proche qu'avec des gens vertueux. Quant au fait de donner de l'aumône, de la nourriture ou autre à des personnes qui ne sont pas pieuses ou autres, il n'y a pas de mal en cela. Ce qui est visé ici, c'est le fait de partager le repas, d'inviter les gens chez soi, etc. Mais si tu souhaites donner de la nourriture aux pauvres, cela est permis, même pour le mécréant. Il est même permis de nourrir à nos musulmans, il n'y a pas de mal en cela. Mais ce qui est visé par le hadith, c'est la fréquentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre cela également dans un autre hadith. Et il a dit, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun d'entre vous regarde, qu'il prend comme ami proche. C'est-à-dire que chacun d'entre vous fasse le tri dans ses fréquentations. Regarde qui tu prends pour ami. Car ta religion, ce sera celle de ton ami. S'il est mauvais, son mal va te toucher. S'il est bon, son bien va te toucher également. Donc que chacun d'entre vous fasse le tri dans ses fréquentations. Et dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit l'homme est sur la religion de son ami proche, ceci est une preuve claire et explicite qu'il est permis de porter un jugement sur une personne en fonction de ses amis et de ses fréquentations. Comme le poète a dit, La tas'al 'anil mar'i was'al 'an qarinihi, innal qarina bil muqaran yaqtadi. N'interroge pas sur la personne, mais interroge sur ses amis. Car celui qui fréquente une personne la prend pour modèle. Il la suit. Et comme on dit dans l'expression française, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Cette expression, elle est véridique, malgré que c'est une expression française, et elle est prouvée par ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun d'entre vous regarde qui il prend comme ami. Et certes, nos mauvais compagnons, il n'est pas limité à la personne que tu fréquentes. Mais le mauvais compagnon, c'est plus large que cela. C'est toute chose qui corrompt et pervertit ta croyance, ton comportement, ta moralité, tes mœurs, ta conduite, et ainsi de suite. Il est possible que ce ne soit pas une personne, mais il est possible que ce soit un objet. Comment cela est-il possible? Aujourd'hui, la plupart des gens ont un compagnon qu'ils ont avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui est-il? Téléphone. Le téléphone, avec celui-ci, il va sur les sites internet, il regarde des vidéos, il lit des choses, et ainsi de suite. Donc on pourrait dire, dis-moi ce que tu lis sur internet, et je te dirai qui tu es. Dis-moi quel site tu regardes sur internet ou tu fréquentes, car cela se dit aussi, quel site tu fréquentes sur internet, et je te dirai qui tu es. Donc on voit que les fréquentations, ça a un sens plus large que cela. La personne, elle doit prendre garde à cela. Prends garde à ce que tu regardes sur internet, aux sites que tu fréquentes, aux gens que tu suis sur les réseaux sociaux, aux personnes dont tu regardes ou tu écoutes les cours et les vidéos. Car ceci influence sur ta croyance, ceci influence sur ton comportement. Il se peut qu'une personne, elle fasse preuve de piété, vienne à la mosquée, fasse des œuvres de bien. Mais lorsqu'elle se retrouve seule avec son téléphone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transgresse les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde des interdits. Il lit des choses qu'il ne devrait pas lire. Parmi les péchés, ou pire encore, parmi les innovations. Il va lire les paroles des innovateurs. Il va lire les paroles des gens de la mécréance, les ambiguïtés des polythéistes, et ainsi de suite. Et tout ceci, ne crois pas que ce n'a pas d'influence sur ton cœur. Chaque péché que tu commets, c'est une tache noire sur ton cœur, comme il est venu dans le hadith. Tu vas sur un site, tu regardes une vidéo, tu n'y prêtes pas attention. Tu penses que la petite musique du générique, ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal. Mais ceci influe sur ton cœur. La musique, elle fait naître l'hypocrisie dans le cœur du musulman, comme les savants l'ont mentionné. Donc, ces quelques minutes durant lesquelles tu vas tendre ton oreille vers ces choses, durant lesquelles ton regard, il va se porter sur des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de regarder. Tout ceci va corrompre ton cœur, telle la mauvaise fréquentation. Donc prends garde à ces appareils, à ton téléphone, ou pire encore, la télévision qui est présente dans de nombreux foyers. La télé qui tourne du matin au soir. Ceci aussi, c'est un compagnon. Les émissions que tu regardes, elles te tiennent compagnie. Elles influencent sur toi. Et ceci pervertit tes mœurs et pervertit ta religion. Donc il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Au contraire, le musulman, il doit prendre garde à ces nouveaux moyens de communication et faire attention qu'elles ne soient pas une cause de sa perversion ou la corruption, de sa croyance et de son comportement. Enfin, de la même manière que tu dois choisir pour ta personne une bonne compagnie, il faut que tu saches qu'il t'incombe également de choisir une bonne compagnie pour les gens qui sont sous ta responsabilité, parmi les épouses et les enfants, ou les petits frères ou autres. Il fait partie du devoir de la personne de choisir une bonne compagnie pour sa famille et ses enfants. Tu ne peux pas venir à la mosquée, faire des efforts, faire attention à qui tu fréquentes. Et si on te demande où est ton enfant, tu ne sais pas où il est. Il est dehors en train de jouer, je ne sais pas, il est avec ses amis. Qui sont ses amis? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il est dehors avec des gens. Tu seras interrogé sur tes enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati ». Vous êtes tous des bergers et chacun de vous sera interrogé sur son troupeau. Puis elle a donné l'exemple du père et de la mère. Donc les enfants, c'est une responsabilité. Tu dois choisir pour eux de bonnes fréquentations, des bons amis, des gens pieux, des gens musulmans, des gens qui le poussent à accomplir le bien, à s'écarter du mal. Et également, tu dois prendre garde à ces appareils de la même manière que tu prends garde pour toi. Ne laisse pas ton enfant avoir accès à l'ordinateur ou au téléphone, sur Internet, et lire ce qu'il a envie. Aujourd'hui, on trouve des enfants à très bas âge qui regardent des choses sur Internet, wal'iyadu billah. Ils ont accès à tout. Aux perversités, aux corruptions, aux innovations, à la mécréance. Est-ce que tu penses qu'en passant ses journées devant cet appareil, ton enfant va grandir et devenir pieux, être assidu aux prières à la mosquée et chercher à faire le bien? Ces appareils, dès son plus jeune âge, si tu ne le pousses pas à les utiliser dans le bien, il n'aura plus aucune limite, wal'iyadu billah. C'est pour cela qu'il convient à l'homme de choisir pour ses enfants et pour sa famille une bonne compagnie et de leur orienter quant à l'utilisation de ces appareils. Car, de par sa nature, l'homme, il vit en communauté. Il ne vit pas seul, il ne vit pas isolé. Il est contraint de vivre avec les gens. Il commerce avec les gens, il vient à la mosquée, il fréquente les gens, il vit dans la rue, il voit des gens, et ainsi de suite. Donc, étant donné qu'il est contraint à cela, il se doit de s'approcher de ce qui lui est profitable et de s'écarter de ce qui lui est nuisible afin de préserver son capital qui est sa religion. Et cela, il ne pourra l'obtenir qu'en ne fréquentant que des gens pieux qui l'aident à accomplir le bien et qui mettent en pratique avec lui la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » « Entraidez-vous dans le bien et la piété ». Celui qui applique ce verset avec toi, alors celui-ci, c'est une bonne compagnie. Il y a des personnes, lorsqu'ils fréquentent un frère, ou les femmes, lorsqu'elles fréquentent une sœur, qu'ils leur donnent des conseils régulièrement, qu'ils les poussent au bien. Ils sont gênés par ces personnes. Celui-là, il est toujours en train de me faire le rappel, il m'empêche de vivre, ou ainsi de suite. Il voudrait que tu lui laisses la liberté de faire les péchés qu'il souhaite et de délaisser les obligations qu'il souhaite. Celui-là, celui qui te conseille, qui lorsqu'il te voit faire le mal, il te dit « Mon frère, ce que tu fais est mal, délaisse-le. Mon frère, ce que tu as délaissé, cet acte que tu as abandonné, c'est une œuvre obligatoire, Allah te l'a imposé. Accomplis-la et ne la délaisse pas. » C'est celui-là qui veut le bien pour toi. C'est celui-là qui veut le bien pour toi. Quant à celui qui te voit faire des péchés et qui ne te dit rien, qui sourit, qui continue de rigoler avec toi, celui-là en réalité c'est ton ennemi. Il ne veut pas ton bien. Ne pense pas que sous prétexte qu'il te fait des sourires, alors qu'il t'a vu faire le mal, c'est ton ami. Au contraire, celui-là, il veut ton mal, il ne veut pas ton bien. S'il voulait ton bien, il t'aurait aidé à te réformer et à te repentir et à te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les mauvais compagnons, ils sont de deux sortes. Il y a les mauvais compagnons, comme on a dit, qui poussent la personne à accomplir des péchés, ou plutôt à commettre des péchés. Et celui-ci, c'est le désobéissant. Celui qui fait des péchés, le pécheur. Il va pousser ceux qui le fréquentent à commettre des péchés comme lui en commet. Et il y a d'autres mauvais compagnons, et c'est la deuxième catégorie, c'est ceux qui vont te faire remettre en doute les informations présentes dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là, ce sont les innovateurs selon leurs différentes catégories. Celui qui fait des innovations, lorsqu'il commet l'innovation, il pense qu'il fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis de la part d'Allah. Comme a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, « Man za'ama anna fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala » L'imam Malik rahimahullah, il a dit « Celui qui prétend qu'il y a dans l'islam une bonne innovation » Il a certes prétendu que Mohammed a trahi le message. A'oudou billah. Pourquoi il dit cela? Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Si cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas transmis, ne l'a pas enseigné à sa communauté, cela voudrait dire qu'il n'a pas transmis une part du message. Car la religion était complète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'innovateur, il va te pousser à remettre en doute ces textes, à remettre en doute le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à remettre en doute la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il va faire naître en toi des doutes dans le cœur en semant dans celui-ci des ambiguïtés. Parfois il va te mettre des doutes au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois il va te mettre des doutes au sujet du paradis et de l'enfer. Parfois, il va te mettre des doutes au sujet du châtiment de la tombe. Parfois, il va te mettre des doutes au sujet des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et ainsi de suite, parmi les choses fondamentales de notre religion. C'est pour cela que le musulman, qui souhaite préserver sa religion, préserver sa moralité, il doit s'écarter de la compagnie des innovateurs. Car la compagnie des innovateurs, elle est plus nuisible que la compagnie des pécheurs, car l'innovation est plus grave que les péchés. Et c'est à ce sujet que certains, parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils voyaient qu'il était préférable pour eux que leurs enfants fréquentent une personne sunnite qui commet des péchés plutôt qu'une personne vertueuse en apparence mais qui innove dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car l'innovation est plus grave que les péchés. Et c'est sur cela que l'on termine cette conférence. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de placer ces paroles qui ont été dites et écoutées dans la balance de nos œuvres pieuses, tout comme je remercie les responsables de cette mosquée pour nous avoir permis la tenue de ces assises. Jazahum Allahu khayran wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.